C'est foudre. La tête. C'est foudre. C'est foudre dans la vie. Vous êtes à l'émission Chérie m'écoutes-tu? Vous êtes à l'émission Chérie m'écoutes-tu? Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Ce soir à l'émission, nous aurons droit à une émission spéciale qui s'intéresse au Festival Pop Montréal qui aura lieu du 30 septembre au 4 octobre prochain, c'est-à-dire à partir de ce mercredi jusqu'au dimanche 4 octobre. Et pour l'émission justement de cette semaine, on va s'attarder au volet plutôt musical de ce festival qui se déploie maintenant sur 6 volets, puisqu'il y a entre autres le Kids Pop, Fus Pop, Art Pop, alors divers volets qui s'intéressent entre autres au cinéma relié à la musique. Et il y aura différentes conférences et ateliers. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le www.popmontréal.com. Donc, comme je le mentionnais, on s'attarde au côté musical ce soir. Et donc, on va entendre des formations comme, entre autres, parmi toute cette belle programmation, Clues, Dishwasher, Plaza Music et Matt and Kim. Alors, et le reste, ce sera des surprises que vous devrez voir tout au long de l'émission de ce soir. Alors, on débute en très grande force avec un bloc que je chéris particulièrement. Tout d'abord avec la délicieuse pièce Daylight, avec un tout aussi délicieux duo, justement, que je mentionnais, Matt and Kim, avec la pièce qui est tirée de leur album, leur plus récent album Grand ou Grand, si vous préférez. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie m'écoutes-tu avec Sophie Laforêt jusqu'à 19h sur les ondes de CFOU 89.1 FM. c'est que tu ne retiendras rien. Et la montagne, c'est que tu ne retiendras rien. Et la rivière, c'est que tu ne retiendras rien. Et la montagne, c'est que tu ne retiendras rien. Il y a une loi, un principe, une constante. Si on change les équipes, ça n'est plus une revanche. Une fois la tête dans la tête, il faut un autre point de vue. Une fois la tête dans la tête, il faut un autre point de vue. Une fois la tête dans la tête, il faut. C'était le trio de Montréal avec Podcast, avec la pièce « Si on change les équipes, ce n'est plus une revanche », bien sûr, du disque « Dans la nature jusqu'au cou ». Et donc, ce trio fait dans le folk country garage minimal. En voulez-vous des qualificatifs? En v'là, c'est toujours très important de classifier comme ça ce qu'on écoute. Tout juste avant, on avait le duo franco-finlandais « Dodo » avec la pièce « Tammy » de l'album « A Mouthful ». Et ce duo sera effectivement au Pop Montréal, donc à ce festival. Et ils seront le 2 octobre au Théâtre Plaza en compagnie de Random Recipe, ainsi que Kim. Donc, pour Random Recipe, c'est un groupe qui fait dans le hip-hop, trip-hop, pop, indie. Et Kim, j'ai aucune idée, j'ai pas réussi à entendre ce que c'était ce groupe. Mais pour Random Recipe, vous pouvez vous rendre au profil MySpace à l'émission pour voir une vidéo de leur présence à l'émission Mange ta ville. Et pour une fille comme moi qui n'aime pas habituellement le hip-hop ou le trip-hop ou ce genre de vague, j'ai aimé. Alors, à vous intéresser qui peut-être comme moi habituellement n'aime pas ce genre, je vous invite à découvrir cette formation. Et en ce qui nous concerne, ce bloc, au début du bloc, on avait le duo Matt and Kim, qui est un duo d'indie-pop de New York qui a été formé en 2004. Et il s'agit également d'un couple, et oui, les potins, Matt Johnson et Kim Schifino, donc Matt qui est au synthétiseur et Kim qui est à la batterie. La pièce qu'on a entendue, c'est Delight, de leur dernier album paru en janvier 2009, Grand ou Grand, comme un autre qualificatif qui désigne une personne de taille haute, grand. Alors, c'est ce qui complète ce bloc. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a une émission consacrée au Festival Pop Montréal qui aura lieu du 30 septembre au 4 octobre prochain. C'est très bientôt. Et on va poursuivre en musique avec un bloc, cette fois-ci, un peu plus électro-ambiant. Tout d'abord, avec le projet solo Fever Ray qui nous arrive de la Suède. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie, m'écoutes-tu en compagnie de Sophie Laforêt jusqu'à 19h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Brown hair and eyelash. C'était la formation Clues d'un album éponyme, la pièce Perfect Fit. Et Clues, c'est en fait le projet d'un des membres fondateurs de la défunte formation de Montréal, The Unicorns. Et ils seront également de la partie pour Pop Montréal. Et pour connaître les dates exactes et les lieux, je vous invite à consulter le www.popmontréal.com et à télécharger l'horaire disponible sur le site, en fait, sur la première page. C'est très simple, vous allez voir. Donc, tout juste avant, on avait View, une chanteuse assez mystérieuse d'un album qui s'appelle The Plains. Et la pièce est The Arms of Spirits. Je me suis intéressée à elle parce que c'est elle qui va assurer la première partie de Fever Ray qu'on a entendu tout juste avant. Donc, Fever Ray, qui est le projet solo de Karine Elisabeth Dreyer, qui était la membre féminine du duo Electro The Knife. Et elle sera au Métropolis de Montréal le 1er octobre prochain, justement avec Viewk en première partie. Et donc, la pièce qu'on a entendue, c'est Now's the Only Time I Know de l'album éponyme. Et cette venue-là est assez attendue puisque c'est la première fois que cette membre du duo suédois The Knife sera de passage au Québec et ce soit autant justement avec le duo que en version solo avec son nouveau projet. Et les fans comme moi ont sûrement très hâte d'aller la voir et je vous reviendrai avec quelques critiques de ce spectacle au retour, c'est-à-dire à l'émission de lundi prochain, le 5 octobre. Je n'y manquerai pas. Et donc, sur ce, je vous invite, si vous voulez plus d'informations sur les pièces qui ont joué à l'émission de ce soir et pour d'autres informations également, à consulter le www.sophieaimelamusique.blogspot.com et vous trouverez donc autant les pièces qui ont joué à l'émission d'aujourd'hui que les balado-diffusions et les critiques de disques et autres. Alors, si ça vous dit, vous pouvez consulter ce site. Donc, avant de retourner en musique, on va se quitter le temps d'une courte pause. Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie Mécoutu sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM jusqu'à 19h en compagnie de Sophie Laforêt. Vous écoutez C'est Fou

C'est fou dans vos oreilles. La formation Plaza Musique avec la pièce Magazine de leur mini-album Accent qui est paru tout récemment. Et ils seront le 3 octobre, c'était beau ça, le 3 octobre à 22h45 au National. Donc c'est un spectacle à ne pas manquer. Et pour ceux qui connaissent la formation Automélodie, Xavier Paradis, qui est le chanteur de cette formation, fait également partie du groupe Plaza Musique. Tout juste avant, on avait la formation Dog Day, qui est une formation d'Halifax, qui fait dans l'indie rock pop. C'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Et ils sont deux fois dans la programmation de Pop Montréal. Donc, vous aurez deux fois la chance d'aller les voir si vous avez aimé. Donc, pour ça, vous avez simplement à consulter la programmation au www.popmontréal.com. Tout juste avant, on avait la formation Cotton Mouth, qui est une formation de Montréal, avec la pièce Stand Up Straight de leur album Dishwasher Cotton Mouth, qui est en fait un album split, qu'ils partagent avec la formation Dishwasher, qui est également de Montréal. Et ils seront au Green Room le 1er octobre prochain, à 20h, justement avec Doug Day, qu'on a entendu tout juste avant. Et au début du bloc, nous avions la formation Dishwasher. J'ai de la difficulté avec ce mot-là. Dishwasher. Avec la pièce Always Call Your Boyfriend de l'album Split, justement, qu'ils partagent avec Cotton Mouth. Et vous pouvez télécharger deux pièces, justement, sur leur MySpace. Donc, vous pouvez le consulter tout simplement en tapant Cottonmouth Montreal dans Google ou autre moteur de recherche. Alors, c'est ce qui complète ce bloc. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'émission est consacrée au Festival Pop Montréal qui se tiendra du 30 septembre prochain au 4 octobre, qui est un festival de musique plutôt pop-rock, indie, électro et autres folk, rock, country, garage et autres classifications possibles. Donc, c'est assez varié et c'est ce que j'aime de ce festival. Et on va se lancer encore une fois en musique avec un bloc électro, mais je vous dirais électro diversifié encore une fois parce qu'on va passer de l'électro plus yéyé rétro à de l'électro plus trash. Et on va se lancer tout d'abord avec la formation les Hand Claps avec la pièce Cacti or Delicious Fruit. Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie m'écoute-tu avec Sophie Laforêt jusqu'à 19h sur les ondes de Cifou 89.1 FM. C'était Rakam avec la pièce Take You on a Vacation d'un album qui est toujours inconnu. Et il sera à Pop Montréal au bar Pre-Love de le 1er octobre prochain à 18h et c'est un bar sur la rue Saint-Laurent. Ou sinon, le 3 octobre, il sera au cabaret Playhouse sur du parc à 23h. Et on sent quelque peu des ressemblances avec The Doors ou même la formation électro australienne de Presets pour ceux qui connaissent. Mais j'aime bien cette découverte que j'ai faite sur MySpace justement. Parce qu'il était au Pop Montréal. Et donc, c'est le myspace.com/Rakam, R-A-K-A-M, Songs. Donc, si vous voulez entendre, il y a 5 pièces disponibles en écoute. Tout juste avant, on avait la formation montréalaise Meta Gruo, qui est un trio trash de Montréal, avec la pièce Tibia Sauvignon d'un mini-album du même nom. Et ils seront le 3 octobre, quant à eux, à 21h au Quai des Brumes. Et tout juste avant, on a entendu la formation Les Hand Claps, qui est un trio d'électro-pop garage aux tendances rétro-yé-yé. Encore une fois, c'est important de bien classifier. Et donc, la pièce qu'on a entendue, c'est Cacti Are Delicious Fruit. Et leur album s'intitule Ou-Ou-A, à prononcer comme vous le souhaitez. Et ils seront le 2 octobre prochain à 1h du matin au gymnase. Donc là, il faut bien comprendre, le 2 octobre à 1h du matin, c'est en fait le 1er octobre. Passer minuit tard le soir. Donc, juste pour pas que ce soit confondant, parce que c'est confondant quand les spectacles sont tard comme ça, c'est mélangeant. Donc, je le précise et vous pouvez consulter le www.popmontréal.com pour connaître la programmation de ce festival succulent qui s'en vient à Montréal la semaine prochaine, soit du 30 septembre au 4 octobre. Et donc, l'émission va s'achever très bientôt. Donc, je vous remercie d'avoir été à cette émission spéciale du Pop Montréal à chez Rémi Coutu en compagnie de Sophie Laforêt jusqu'à 19h. On se retrouve la semaine prochaine, le 5 octobre. Et restez à l'écoute de C'est fou pour l'émission Le Voyage insolite avec mon collègue Frédéric Durand qui débutera dans quelques instants, tout juste après la pièce de So Cold, qui est un projet assez éclectique de musique avec des tendances un peu hip-hop Et bon, en fait, là, c'est un musicien accompli qui joue de l'accordéon et divers instruments. Donc, c'est pas quelque chose que j'aurais écouté habituellement, mais c'est quand même intéressant à écouter. Je suis pas sûre que j'adopte totalement ce projet, mais quand même, comme je vous dis, c'est vraiment bien, tout de même. Alors bref, je suis un peu mitigée, mais je vais vous laisser entendre cette pièce-là. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur les ondes de CIFU 89.1 FM. And frankly, there's nothing so unusual about being a Jewish cowboy. On the trail to nowhere, all I have is a horse. Even he would leave if he broke free of this curse. All I got's memories, they aren't even mine. All the dry wind wails till my song is blown away. Cook it in a straight line, circle in a square. Point is just stuck right there.